La cérémonie d'ouverture de l'exposition des réalisations scientifiques et techniques dans l'exploitation et l'utilisation de l'énergie naturelle et l'économisation de l'énergie a eu lieu le 9 courant au Palais des sciences et techniques. Y ont pris part les cadres intéressés, les fonctionnaires, scientifiques, techniciens et enseignants des unités d'activité qui ont présenté à l'exposition leurs réalisations. Dans le salon sont exposées plus de 450 données et produits de plus de 170 espèces avec les schémas qui permettent d'exploiter et d'utiliser les énergies éoliennes, marémotrices, géothermiques et solaires et la bioénergie et d'économiser de l'énergie.